Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette dernière édition de ce 20 juillet qu'on va commencer par ses principaux titres. Le collectif des associations et ONG féminines du Burundi et le collectif des associations régionales se réjouissent du nouveau projet de la loi sur l'égalité et le développement du genre initié par 5 pays de la communauté est-africaine. Dans ce journal, vous allez entendre également des réactions du directeur de BBIN, le bureau burundais de normalisation, après que certains fabricants de produits non identifiés l'ont impliqué dans leur publicité. Page sécurité de ce journal, une cinquantenaire de la colline Kaguru de la commune Mugina, province Cibitoke, a été tué et décapité dans la nuit de mardi à mercredi. Les auteurs de ce crime n'ont pas été identifiés. Et puis, les prix des marchandises importées continuent à grimper au marché de Gitega et puis à Karoussi. C'est l'essence qui est devenue actuellement rare. C'est dans quelques instants dans ce journal. Mise en onde par François Akimana au micro Médard Niyomuru. Bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Une cinquantenaire de la colline Kagurusi de la commune Mugina en province Cibitoke a été tuée et décapitée dans la nuit de mardi à mercredi. Ces trois enfants ont été blessés. Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés. Capitoline Naguimo aurait été accusée de sorcellerie, mais les responsables administratifs et sécuritaires font savoir que des conflits fonciers sont à l'origine du crime. 10 personnes sont dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. Et puis, le directeur de l'enseignement à Mabayi, nous sommes dans la même province de Cibitoke, a été tabassé hier par un enseignant prénommé Pacifique. Celui-ci s'insurge contre la décision de le redéployer de l'école fondamentale de Kivogero au chef-lieu de la commune Mabayi à l'école fondamentale de Miremera, située à une distance d'au moins 15 km. L'enseignant est pour le moment détenu au cachot de la commune. D'autres enseignants qui ont été redéployés disent que cette opération est émaillée d'illégalité. Il est de même pour les représentants du syndicat STEB au niveau de la province qui disent n'avoir pas été associés au niveau de la direction provinciale de l'enseignement à Cibitoke. On renvoie les enseignants lésés à aller se plaindre au sein du ministère et en charge l'éducation. Page économie, certains opérateurs économiques demandent les exonérations accordées à certaines sociétés privilégiées pour l'obtention de devises soit supprimée. Une demande qui n'est pas la bienvenue de la part du deuxième vice-président de la République. C'était dans une réunion tenue hier avec les commerçants. Plus de précisions avec Placide Niyomungeri. Les plus privilégiés pour ces devises sont les hommes d'affaires œuvrant dans le secteur carburant, le médicament, l'engrais chimique, la société Savonor, Bousseco pour le ciment, Azam pour la farine et la brasserie pour la bière. Ces commerçants trouvent que ne pas payer les exonérations qui leur sont offertes permettrait de renflouer les caisses de l'État. Il y a des opérateurs économiques qui sont priorisés pour obtenir les devises ces jours-ci. Pour le moment où nous sommes dans l'impasse, s'il y a des exonérations qui leur sont accordées, qu'elles soient supprimées pour ne pas mettre en danger les caisses de l'État. Ce qui peut occasionner aussi la paralysie de leurs activités. Cet avis n'est pas concevable par le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore. D'après lui, supprimer ces exonérations risquerait d'enfoncer le clou davantage de la situation économique actuelle. Pour ceux que tu as dit qu'ils sont privilégiés pour obtenir ces devises, arguant que ces exonérations soient supprimées, c'est à vérifier. On ne peut pas l'admettre ainsi, car pour que ces exonérations leur soient accordées, ils se sont engagés à faire d'autres choses. Si on se précipite pour les supprimer, ça risque d'aggraver la situation davantage. Le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, appelle tous les commerçants et ceux qui sont encore en exil de regagner le pays et de s'investir davantage dans le commerce, car d'après lui, la sécurité est garantie. Merci Placide. Toujours aux pages économiques, l'essence est devenue actuellement rare en province de Karoussi. Un litre s'achète à 4000 francs burundais et se vend dans des bidons. Les commerçants de ce produit expliquent qu'ils achètent le carburant dans d'autres provinces car la seule station à essence se trouvant à Karoussi n'est pas régulièrement approvisionnée. Le point avec Blaise Pascal Kararoumi. Un litre d'essence s'achète actuellement entre 3 000 francs et 4 000 francs, selon le cas, au chef-lieu des communes de la province Karoussi et dans d'autres lieux où se rencontrent beaucoup de gens. Les vendeurs de ce carburant dans ces lieux et qu'ils s'approvisionnent dans d'autres provinces, dans la province de Gitega et à Muyinga, a un prix élevé pour qu'il soit servi dans des bidons, signalent ces vendeurs, qui expliqueraient le prix de 4 000 francs par litre d'essence. Cela étant ainsi, au moment où toute la province de Karoussi n'a qu'une seule station service. C'est de ce même cas que les administrateurs affirment avoir eu l'autorisation d'être servis en bidon au niveau de cette station, une autorisation qu'ils ont eue de la part de l'autorité provinciale. La population s'inquiète que c'est ce carburant qui est approvisionné au niveau de la station service, vendu à 4 000 francs par litre au niveau des chefs-lieux communaux et dans les endroits où se rencontrent beaucoup de gens. Le conseil économique du gouverneur indique que ce carburant qui est vendu à ce prix exorbitant serait aussi venu de la station-service. Emmanuel Massavo, conseiller économique, indique que d'ici peu, il va rencontrer tous les administrateurs communaux et le propriétaire de cette station-service pour faire respecter le prix du carburant au niveau de tous les coins de la province de Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Dans le même domaine du commerce, les prix des marchandises importées continuent à grimper au marché de Gitega. À l'origine, les commerçants évoquent le manque de devises et là où on en trouve, les taux de change sont élevés. Ces commerçants indiquent qu'ils travaillent perdant le point avec Artir Kavabouchi. Depuis que les devises ont commencé à manquer ou quand on en trouve, c'est à un taux de change élevé, les marchandises importées comme les habits ou bien les matériaux de construction, leurs prix ont grimpé au marché central de Gitega, comme le disent les commerçants de ce marché. Quand nous sommes passés au marché de Gitega, les importateurs de barreaux d'habits vont savoir que si leur stock s'épuise, ils sont dans l'impossibilité d'importer d'autres à cause du manque criant de devises. Ce qui est visible, c'est qu'il y a des boutiques qui ont fermé car leurs propriétaires ont vu qu'ils travaillaient à perte. Cela étant, même ceux qui travaillent encore indiquent qu'ils ne vont pas tarder à fermer. Quant aux matériaux de construction, leur prix augmente du jour au jour, ce qui fait que ceux qui ont terminé leur devis doivent acheter le jour même les matériaux, sinon le lendemain, les prix auront changé. Tenez, le sac de ciment qui était à 20 000 francs coûte actuellement 26 000 francs. La peinture qui coûtait 18 000 francs aujourd'hui et s'achète à 22 000 francs. Quant au fer à béton, il est à 14 000 francs au lieu de 12 500. D'autres marchandises qui ont grimpé sont constituées du Colgate ABC qui était à 800 francs et qui s'achète actuellement 1 200 francs. Et le sachet noir qui coûtait 50 francs, il est actuellement à 100 francs. Ces commerçants demandent à l'administration communale de diminuer les taxes et les frais de loyer des stands, sinon ils ne travailleraient que pour payer ces frais sans aucun bénéfice. L'administrateur de la commune de Gitega, Nahimana Valentin, fait savoir que c'est impossible de diminuer le taux d'imposition car c'est du ressort de la loi. Il a aussi ajouté que le manque de devises est dû à la situation que connaît le pays. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Le bureau burundais de normalisation appelle les fabricants de certains produits à ne plus l'impliquer dans leur publicité pour induire en erreur les consommateurs. Dans un communiqué, le directeur de la BBN précise que cette mauvaise pratique s'observe en ce jour chez des fabricants des produits non identifiés. Damien Ndakobedetse donne l'exemple de fonds fabricants d'eau Kinju. Les précisions avec Yves Mundimana, stagiaire à notre station. Le directeur du bureau burundais de normalisation met en garde certains falsifiants qui l'impliquent dans leur publicité pour s'attirer plus de clients. Le directeur de ce bureau rappelle le cas de ceux qui s'étaient arrogé le droit de fabriquer l'eau de la société Kinju. Nous sommes en train de travailler sur un cas d'un certain qui vendait des bouteilles Kinju, soi-disant, alors que ce n'était que l'emballage qu'il utilisait de l'entreprise bien connue que nous avons certifiée, à qui nous avons donné la marque de certification et qui travaillait à perte à cause justement de cet autre opérateur économique qui se prenait pour quelqu'un de Kinju alors qu'il n'en était rien. Nous allons renforcer notre collaboration avec les autres institutions pour qu'ensemble nous puissions effectivement continuer à juguler cette sorte de banditisme qui commence à se créer. Damien Akobe Edetse appelle plutôt les opérateurs économiques de faire certifier leurs produits pour les rendre beaucoup plus crédibles. Ces entreprises et leurs qui ont d'abord la légalité pour travailler sur le pays, ce sont telles qui nous approchent pour qu'on vérifie si la qualité de leurs produits est bonne pour qu'effectivement ils puissent alors être compétitifs sur le marché. Pour ces autres qui sont encore dans l'informel, nous leur vraiment demandons de faire leur possible pour qu'ils quittent de plus en plus ce secteur, puisque c'est un secteur effectivement qui est difficile à contrôler d'une part, et d'autre part qui n'est pas autorisé malgré tout à mettre leurs produits sur le marché s'ils veulent vraiment être compétitifs. Le directeur de BBN appelle aussi les consommateurs de dénoncer les produits qui semblent inquiétants. La page éducation de ce journal, près de 140 élèves de section laboratoire dans 5 écoles indiquent qu'ils ont échoué à cause de la fraude de l'examen théorique. Ils accusent certains membres du jury de donner l'examen à certains élèves. Comme conséquence, la plupart de ces élèves sont exclus, comme celui-ci l'explique. Il y en a des irrégularités ou des fraudes parce qu'on a demandé les copies d'examen. Ils ont refusé de nous donner ces copies. Alors, ce qui nous montre qu'il y a des fraudes, c'est parce qu'ils ont refusé de nous donner les copies de cet examen qu'on a passé. Ceux qui n'ont pas le moyen de donner à ce jury, c'est ceux qui sont dans la route, ceux qui n'ont pas la chance de continuer les études. Si vous passez l'examen alors que vous n'avez pas cet examen, on a constaté qu'ils ont volé l'examen. Pendant le moment de la correction, ils n'ont pas fait correctement la correction parce qu'il y avait certains élèves qui ont travaillé, qui ont passé l'examen alors qu'ils en avaient. Dans ce cas-là, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a un taux de réussite, le taux de réussite est très bon. Le porte-parole du ministère de la Santé dément ces allégations de ses élèves. Docteur Tade Ndikoumana fait savoir qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas le droit de tripler. Il montre aussi que l'examen n'a pas été fraudé. On l'écoute. Un groupe d'élèves et finalistes qui est venu approcher le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Parmi eux, il y en a qui disaient que l'examen de jury aurait été volé. Mais après analyse, et nous avons trouvé que ce n'est pas évident. Mais je voudrais préciser que ce groupe d'élèves, ce sont les élèves qui ont été exclus parce qu'ils avaient refait l'année. Dans le règlement, il n'est pas permis qu'un élève puisse tripler la même année. Donc, nous avons analysé les résultats et nous avons vu que si l'examen avait été volé, comme ils le disent, on aurait eu un taux de réussite élevé. Mais comme vous l'avez constaté, nous avons un taux de réussite très bas. Quand bien même l'examen aurait été volé, je dirais propagé, ne serait pas propagé parmi un grand nombre d'élèves. Nous avons saisi de cette occasion pour interroger l'élève qui a dit qu'il avait reçu l'examen à travers le téléphone, les SMS. Et malheureusement, cet élève n'a pas réussi non plus. Et comme précision que j'allais donner, c'est que pendant le jury, l'examen théorique est fixé à 40%, tandis que l'examen pratique est fixé à 60%. Et nous avons constaté que parmi ces élèves, la plupart étudient dans des écoles à un grand nombre d'effectifs d'élèves. Et nous avons constaté que ça serait un des facteurs d'échec. Mais qu'à cela ne tienne, les éléments que ces élèves ont fournis ont été recueillis par une équipe ad hoc que le cabinet a mis en place pour faire des investigations. Le même groupe d'élèves, ce sont des élèves qui ont été exclus. Mais le problème majeur de ces élèves, ils n'ont pas la chance de tripler et ils voudraient que le cabinet puisse se saisir de ce cas par rapport à ce qu'ils vont devenir après parce qu'ils ont déjà fait les 4 ans et aussi ils ont refait l'année. Et ce cas-là sera étudié par le département en charge des écoles paramédicales au niveau du ministère. Mais sinon, le règlement dit que si tu échoues 2 fois, tu ne peux pas reprendre l'année. Isanganiro. Le collectif des associations et ONG féminines du Burundi et le collectif des associations régionales se réjouissent du nouveau projet de loi sur l'égalité et le développement du genre initié par 5 pays de la communauté est-africaine. Dans un atelier tenu ce mercredi, les points focaux genre du ministère et ses collectifs ont demandé un soutien massif de ce projet, vu qu'il sera bientôt présenté à l'Assemblée est-africaine pour adoption. Suivez Marraine Akatsa Bukashi, directrice du collectif des associations de la communauté est-africaine, traduite en français par Alida Ndaikez. And we are saying that all these countries have chaque pays a ses lois et ses politiques pour gouverner son pays. Ce projet de loi va harmoniser toutes les lois venant des 5 pays afin d'avoir un seul document engageant les 5 États. Nous avons fait référence au baromètre du genre des pays du Sud qui permet d'évaluer l'égalité du genre dans tous les pays. Ce baromètre du genre de la communauté de l'Afrique de l'Est sera donc un outil clé de plaidoyer qui fournira une mesure synthétique des droits des femmes et l'égalité des genres qui est à la fois facile à comprendre et à communiquer. On attend également du baromètre du genre de donner une visibilité aux questions d'égalité des genres en permettant de mesurer les progrès au fil du temps. Dernier élément de ce journal, le gouverneur de la province Kayanza, nous sommes au nord du pays, appelle les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté des pays de l'Afrique de l'Est à jouer leur rôle en vue de rétablir des relations entre le Burundi et le Rwanda voisins. Pour lui, les populations sentent déjà les effets de la crise entre les deux pays. Les propos ont été tenus mardi lors du lancement officiel d'une retraite des jeunes membres des partis politiques et d'autres catégories sur les droits de l'homme et la paix au Burundi, organisé à Kayanza par l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme ici au Burundi. Le point avec Apollinaire Muzagara. Dans cette retraite ayant pour but la sensibilisation des jeunes de toutes les catégories sociales à la promotion des droits de l'homme, à la consolidation de la paix, le gouvernement de la province Kayanza n'a pas manqué à soulever les quelques faits portant atteinte aux droits de l'homme dans sa province. Anissé Laïzeye a évoqué notamment les violences conjugales, celles basées sur le genre et autres. Le gouvernement de la province Kayanza a rappelé que la jeunesse burundaise ne cesse d'être victime des violences cycliques qui endeuillent le Burundi. Il invite à cet effet la jeunesse à prendre le devant dans la promotion des droits humains et la consolidation de la paix. Dans cette retraite organisée par l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Burundi, le gouverneur de cette province a invité les Nations Unies, l'Union africaine ainsi que les pays de la communauté est-africaine à jouer pleinement leur rôle dans le rétablissement des bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda, soulignant que les premières victimes sont les populations des deux pays, notamment celles des provinces frontalières. Pour rappel, le commerce transfrontalier entre les populations des deux pays, particulièrement celles des provinces du nord du Burundi et frontalière avec le Rwanda, a été sérieusement perturbé à cause de la crise diplomatique qui existe entre les deux pays. Le docteur Patrice Baha, représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Burundi, promet d'accompagner les Burundais dans tous les efforts de recherche et consolidation de la paix, cadre dans lequel s'inscrit même cette retraite des jeunes. Les cérémonies de lancement officiel de cette retraite de 10 jours ont été rehaussées par le ministre ayant la jeunesse dans ses attributs. Le Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire, et c'est par ton reportage qu'on boucle cette dernière édition de ce 20 juillet. Merci à vous qui avez choisi Sanganiro. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Médard Niomourou. Excellente soirée à toutes et à tous.